بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى poursuit avec la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. La semaine dernière, on s'est arrêté concernant les persécutions contre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et je rappellerai certains points ici importants. On s'est arrêté avec la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala la semaine dernière. Je reprendrai avec cette parole. Et on avait dit que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala avait dit l'hypocrisie était présente dans la période médinoise plus qu'elle n'était présente dans la période mécoise. Et l'hypocrisie était plus apparente dans la période médinoise que dans la période mécoise. D'accord ? Donc il y avait ce phénomène-là d'hypocrisie qui touchait l'insan, donc les gens dans la période médinoise étaient plus présentes que dans la période mécoise. D'accord ? Et on avait dit pourquoi ? Pourquoi on avait dit ça ? Hein ? D'accord. Donc ici, comme dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et il mentionne ceci, c'est un point très important. Et c'est un point qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui. Et on a dit que dans les périodes de troubles, dans les périodes où il y a les tempêtes, quand il y a les ouragans, c'est-à-dire les épreuves, ici c'est très difficile de s'accrocher à la religion. Naam, c'est très difficile de s'accrocher à la religion. D'accord ? Surtout de façon apparente. Surtout de façon apparente. Quand il y a des problèmes, quand il y a des tortures, quand on te met à l'épreuve à partir du moment où tu dis Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu attestes haut et fort qu'Allah azza wa jal c'est ton Seigneur l'unique et que Muhammad alayhi salatu wa salam est son envoyé, ici à partir du moment où tu le fais ouvertement et que s'ensuit des tortures, des persécutions, c'est plus difficile de s'accrocher à la religion qu'en période où tout est facile, tout est simple, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de personnes qui sont opprimées chez les musulmans et autres. D'accord. Donc ici c'est pour ça que dans la période mécoise, ici l'hypocrisie était peu apparente. Parce que les gens ils avaient aucun intérêt à être hypocrites. Parce qu'à partir du moment où tu as affirmé ta religion haut et fort, automatiquement on te persécutait. Donc les gens qui s'accrochaient à la religion, ce n'était que des gens sincères. Amma dans la période médinoise, quand tout s'est apaisé, quand l'islam a pris le dessus, quand alhamdoulillah, celui qui veut appliquer sa religion de façon ouverte, il n'est ni persécuté, et il n'est ni maltraité, là à ce moment-là, les hypocrites sont apparus. Car il y avait certains qui utilisaient la religion à but personnel. Certains pour gagner de l'argent, certains pour gagner de l'autorité, certains pour gagner une certaine protection, etc. Lakin dans la période mécoise, c'est autre chose. Comme au jour d'aujourd'hui, on le retrouve. Quand il y a des problèmes, quand il y a des persécutions, quand tu sais que si tu affirmes ta religion haut et fort, tu risquerais d'être emprisonné. Walillah ilham, ce n'est pas le cas. Surtout nous ici en France. Alhamdulillah. Comme on dit, on le répète, il y a des non-musulmans qui respectent encore mieux que des musulmans. Mais quand il y a les périodes, de troubles, où à partir du moment où tu sais que si tu affirmes ta religion haut et fort, tu es emprisonné, tu es maltraité, tu es persécuté, là, c'est à ce moment-là où tu vois les véridiques. C'est à ce moment-là où tu vois les sincères. C'est à ce moment-là où tu vois les gens qui aiment vraiment Allah, ils sont messagers. Mais quand tout est calme, quand tout est apaisé, quand l'ambiance est calme et sereine, il n'y a pas de problème, que tu affiches ta religion ouvertement ou pas, là tout se mélange. Comme on dit, c'est le hirira. C'est quoi ? C'est la soupe, tout est mélangé dedans. Alors tu comprends plus rien. Comme au jour d'aujourd'hui, je veux insister sur ce point-là. Comme au jour d'aujourd'hui, je parle de notre cas en France, walillahi alhamd. Nous, en France, on applique notre religion de façon tranquille, faut le dire. Tranquille. On est au jour d'aujourd'hui dans la mosquée. Est-ce qu'une personne nous persécute? Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous interdire de faire la prière? Non, bien au contraire. Bien au contraire, il y a ce respect quand même. Il y a ce respect. Donc, quelquefois, il y a des mauvaises interprétations, que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans. Quelquefois, il y a un certain excès qui apparaît chez les musulmans comme chez les non-musulmans. Mais on parle de façon générale. Ici, on voit très bien qu'on peut appliquer notre religion tranquille. Koul Raoul, il n'y a pas de problème. Tu fais ta prière, tu laisses ta barbe, tu mets le qamis, il n'y a pas de problème. Et là, est apparu quoi ? Est apparu ce phénomène de mode. Est apparu ce phénomène de mode. Alors maintenant, tu comprends plus rien. Tu vois la sœur avec le djilbab, tu vois la sœur même avec le sitar, même, ça existe. Tu vois le frère avec la barbe, tu vois un frère même avec un khamis, ils n'ont rien à voir avec la religion. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Et c'est la nouvelle mode qui est apparue au jour d'aujourd'hui en France, avec le plus grand des regrets. C'est une des nouvelles modes qui est apparue au jour d'aujourd'hui en France, ou ces dernières années. Pendant ces dernières années, et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a un grand nombre de jeunes qui sont revenus à cette religion. De jeunes et de plus âgés. Mais on va dire surtout les jeunes. Alhamdulillah. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans, 30 ans. C'est assez récent. On voit ce phénomène qui a réapparu. L'application de la sunna. Walillahi alhamd. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait sur nous. Et il y a des savants qui ont été la cause. Walillahi alhamd. Et parmi eux, on les connaît tous parmi les contemporains. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et parmi eux, les vivants encore. Lakin, avec le plus grand des regrets, on retrouve un peu, je dis bien à plus faible degré, attention, je ne traite personne d'hypocrite. Mais on peut être musulman, écoutez bien, tout en ayant les critères des hypocrites. Mais tu restes musulman. Je dis qu'on retrouve certains critères d'hypocrites chez beaucoup de musulmans au jour d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils sont hypocrites, mais des critères d'hypocrites. C'est qui, dans l'apparence, walillahi alhamd, tu vois que l'islam, masha'Allah, l'ihya, le qamis, le djilbab, le niqab, le sitar, dans l'application, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba, wallahi l'azim musiba. Pourquoi? Parce que tout est calme, tout est serein, il n'y a pas de problème. Laisse pousser ta barbe, laisse ton qamis, affirme haut et fort ta religion, il n'y a pas de problème. Tu sais très bien que tu ne vas pas être persécuté, walillahi alhamd. Tu sais très bien que tu ne vas pas être persécuté. Donc on ne comprend plus rien. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup d'histoires qui nous choquent. Un frère qui a la barbe et qui a le khamis et qui ici a été inculpé et rentré en prison pour viol. Ça existe ou pas? Wallahi al-ali wal-azim que ça existe. Une femme qui a le niqab, qui a le sitar, hein? Je dis pas, non, il exagère. Fawarabbil ka'ba ya Allah, mon témoin, ça existe. Une femme qui a le sitar, qui trompe son mari et qui va avec d'autres hommes. Ça existe ou pas? Wallahi al-azim que ça existe. Et c'est pas un cas ou deux cas. C'est plusieurs cas. Pourquoi? Parce que tout est calme maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu ne vois plus trop la différence entre les sincères, les véridiques et les menteurs. Parce que c'est trop facile maintenant. Viens, je mets ma barbe, je mets le kamis, c'est devenu une sorte de mode. L'il-asafi shadid. Et je dis, ça ce n'est pas pour tout le monde, alhamdoulilah. On est content et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand bienfait. Où il y a beaucoup de jeunes qui rentrent et qui embrassent l'islam à notre époque. Et qui s'accrochent de plus en plus à la religion et qui reviennent à la sunna authentique du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Walakin, ici, simplement, je voulais m'arrêter avec ce point quelques instants, avec cette parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, pour qu'on en tire une morale. Quand Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, et ce n'est pas pour rien qu'il dit cela, que dans la période mécoise où ils étaient torturés, l'hypocrisie n'était pas aussi présente que dans la période médinoise où c'était calme. Ça y est, ils étaient rentrés à Médine. Donc ça, ils avaient pris le dessus. Les musulmans, alhamdoulilah, bi'idnillah, tabaraka wa ta'ala, ils avaient pris le dessus. Donc là, c'est plus facile d'appliquer sa religion. Les hypocrites, ici, apparaissent. Voilà, les munafiqin, ils apparaissent parce qu'ils ont besoin de choses. Et ça ne leur fait pas peur de laisser la barbe, de montrer qu'ils sont musulmans. Mais quand il y a les troubles, là, tu vois les vrais croyants. Là, tu vois les vrais croyants. Et c'est pour ça, je parle ici concernant la réalité des choses, même au jour d'aujourd'hui. Wallahi al-azim. Qu'un homme qui applique, ou une sœur qui applique sa religion de façon apparente et applique la sunna walillahi alhamd, qui applique la religion de façon apparente ici en France, ça n'a rien à voir que dans certains pays, avec le plus grand des regrets, musulmans. Avec certains pays musulmans. Je ne dénigre pas, et loin de là les pays musulmans. Alhamdulillah, on a des pays musulmans. Alhamdulillah. Lakin, ce n'est pas aussi facile que ça dans certains pays musulmans. Wallahi, il y a dans des pays musulmans, c'est des choses qu'on a entendues. C'est des choses qu'on a entendues, et des histoires vraies, et des faits concrets. Dans certains pays musulmans, certains frères se sont fait torturer. Se sont fait torturer, simplement pourquoi? Simplement pourquoi? Pourquoi vous connaissez la réponse? C'est que ça existe. Simplement parce qu'ils ont la barbe. Simplement parce qu'ils ont la barbe. Et certaines personnes ont attendu l'opportunité pour pouvoir les embarquer, les torturer, etc., etc. On n'est pas là pour condamner un tel, pourquoi ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas. À la Kouléhan, on sait que c'est plus difficile d'appliquer sa religion dans certains pays musulmans que ici, par exemple, en France. Et dans ces pays musulmans, où c'est plus difficile de pratiquer la religion, de façon générale, quand tu verras une personne qui montre sa religion de façon apparente, c'est qu'il est sincère. Nous, on juge les actions, pas les intentions. Inch'Allah ta'ala, nous, on dit, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, d'après ce qu'on voit, il est sincère. Et tu peux plus t'avancer à dire que moi, d'après ce que je vois, il est sincère qu'une personne ici, quand tout est calme. Ça, c'est clair. Quand tout est calme, c'est facile. Et c'est bien pour ça que quand on voit des sortes de tempêtes qui arrivent ici, par exemple, hein, il y a des épreuves à certains jeunes ici, surtout qui ont eu, il y en a comme certains frères disent, hein, des jeunes qui ont été élevés à Danone, hein, au petit Danone et autres, qui, alhamdoulilah, ils ont été élevés dans le coton, etc. Il n'y a pas eu de problème. Ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient. Quand ils ont une petite épreuve concernant la religion ou leur vie, difficultés financières, où il n'y a pas de chauffage à la maison, ou alors certains jeunes qui parlent jour et nuit de hijra, mashallah ou ta'ala, et je ne parle pas et je ne critique pas la hijra, pas du tout, loin de là, lakin qui parle jour et nuit de hijra, mais tu les vois tous les jours et tous les ans ici encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés dans le coton. Et quand il faut rentrer dans l'application, ici ils sont quoi? Ils sont perdus. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh vous qui avez cru, qui dites des choses que vous ne faites pas. C'est une abomination auprès d'Allah de dire des choses que vous ne faites pas. Il faut faire attention. Quand tu parles, bismillah, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais attention. Fais attention. Car tu risquerais d'être éprouvé. Car tu risquerais d'être éprouvé. Mais quand on arrive à l'application, fais l'hijra et akhil karim. Oui, mais mon frère, wallah, c'est pas facile, c'est... Tais-toi alors. Arrête de crier les choses haut et fort et crains Allah subhanahu wa ta'ala, applique. On n'est pas à te dire n'applique pas. Applique, mais tais-toi, arrête de crier haut et fort, oui, ceci, cela, alors que tu n'arrives pas à l'assumer. Pourquoi? Parce que là, on en revient à la même chose. Parce que quand tu appliques ta religion, quand tout est tranquille, quand tu as le confort, quand tu as ta paye tous les mois, même sans travailler, alhamdoulilah, on te donne une aide. Quand tu as le chauffage à la maison, quand alhamdoulilah, tu as été élevé, ici avec Danone et dans le coton. Ça n'a rien à voir que dans le fait que tu dois, hein, tu dois aller te couvrir de poussière dans certains pays. Alhamdulillah, il y en a des frères qui assument et qui le font. Alhamdulillah, jazahumullahu khayran. Ça, alhamdulillah, ils assument. Lakin, ici, c'est pour rappeler que, wallah, il faut faire très attention quand on parle. Et il faut faire très attention quand on s'avance au nom de la religion. Au nom de la religion, ayyuhal ikhwatul kiram. Lakin, il y a certaines personnes, ils oublient, ayyuhal ikhwatul kiram, de se poser la question, est-ce que vraiment je suis sincère? Juste ça, hein, quelque chose de simple. Est-ce que vraiment je suis sincère? Et se remettre en question, est-ce que vraiment je suis sincère quand je parle de ça? Quand je parle de l'application dans la religion, quand je parle de il faut transmettre ici la parole d'Allah et de son messager, il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment sincères avec le plus grand des regrets. Pourquoi? Parce qu'ils ne se posent pas la question est-ce que vraiment je suis sincère? Et ça c'est un grand problème et c'est un grand phénomène qui est apparu surtout au jour d'aujourd'hui. Et maintenant tu vois les jeunes. Alors ils sortent d'une cité. Ça fait 6 mois qu'il est rentré dans la religion. C'est à cause de ça. Pourquoi je veux tirer cette morale d'ici? Wallahi al-ali wal-adim, c'est à cause de ça. La principale des causes, c'est à cause de ça. Il vient de rentrer dans la religion, ça fait 6 mois, il se prend pour un savant. Alim. Et il critique des mashaïrs et des savants. Tel savant, c'est un mubtadi', ya akhi. Il sait même pas écrire son nom en arabe. C'est un mubtadi', hein. Ah donc, Cheikh Intel a dit. Et il va sur internet, il apprend sa religion sur internet. C'est un mubtadi'. Et il met des étiquettes à tout le monde. Jusqu'à ce qu'on entende des jeunes qui traitent leurs parents d'innovateurs, de mécréants, de wal'iyadu billah. Au nom de quoi? Au nom de quoi tu es qui toi? Pour dire celui-là c'est un innovateur, celui-là c'est un mécréant, ça fait 6 mois que t'es rentré dans la joie, tu ne sais même pas faire tes ablutions. Tu ne sais même pas rattraper ta prière comme il faut. Tu ne sais même pas les règles concernant les menstrues pour pouvoir corriger ta femme et guider ici ta femme quand elle rencontre un quelconque problème et tu critiques tel machin. Reste à ton niveau, ya Abdallah. À cause de quoi? Parce que maintenant c'est très facile d'appliquer la religion de façon apparente. Il n'y a pas de persécution. Et j'en reviens ici à la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement chez beaucoup de jeunes, la barbe, le qamis, le comportement, ça ne suit en rien du tout. Et des sœurs, jilbab, niqab, le comportement, Allahul Musta'an. Wallah al-Azim, comme un frère disait, mashallah, il y avait des sœurs, maintenant tu les vois avec jilbab, avec niqab, wallah, tu les entends dans la rue, on dirait des animaux. C'est moi du terme, je reprends un cheikh qui a dit ça. Pourquoi des animaux? Je parle pas de toutes les sœurs. Hasha wa kalla. Beaucoup de nos sœurs, alhamdoulilah, ils ont un grand mérite, surtout à notre époque, ici d'appliquer la religion. Et peut-être les femmes plus que les hommes. Parce que maintenant, vraiment, c'est des périodes vraiment de troubles, surtout ici, pour les femmes plus que les hommes. Lakin, pourquoi? Parce que tu les entends parler, crier, rigoler, subhanallah, on les entend à 1 kilomètre. Et ils crient fort, et ils parlent fort, et il y en a même qui insultent. Jilbab, on sait, bah. Subhanallah, reviens à ton niveau, reviens en arrière, reprends à zéro. Wallah, et quelquefois, j'ai envie de dire à certaines sœurs, reprends à zéro. Regarde d'abord ton cœur. Regarde ton intention. Pourquoi t'as mis le jilbab? Pourquoi t'as mis le hijab? Et ils critiquent en plus. Certaines, ils se permettent de critiquer. Celle-là, elle met son hijab serré. elle met avec un tailleur, peut-être elle fait partie des Ikhwaniyah, des sœurs musulmanes, donc elle, c'est une secte égarée, et peut-être elle a mis son hijab avec sa tenue, et je ne cautionne pas du tout cela, mais peut-être qu'elle elle l'a mis de façon sincère, et peut-être toi que tu mets le djilbab, et avec une mauvaise intention, et peut-être elle est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi. Occupe-toi de toi, ya Abdallah. Et occupe-toi de toi, ya Ukhtil Karima. On voit des sœurs qui ne connaissent à peine rien dans la religion, ils sont rentrés dans ce mouvement. Mise en garde, celle-ci c'est une égarée, celle-ci il ne faut pas prendre d'elle, celui-ci c'est un égaré. Et des sœurs qui ne connaissent à peine rien, ils mettent en garde même elles contre des mashaïr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et qu'Allah Azza wa Jal les guérisse, en tout cas, du moins, ces personnes-là. Il faut savoir que sahaba et al-ikhwatul kiram ont été persécutés. Le prophète alayhi salatu wasalam a été persécuté. Ils ont subi, ayyuhal ikhwatul kiram, des tortures. Ils ont subi beaucoup de choses pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous, walillahil hamd, on arrive à ce stade-là. C'est-à-dire que 14 siècles après la venue du prophète alayhi salatu wasalam, walillahil hamd, on soit réunis et on parle d'Allah et de son messager en toute sécurité. Ça, il y a eu des causes, il y a eu des sacrifices. Il y a des frères qui pensent que, yani, quand ils voient des résultats, c'est venu en claquant des doigts. Hein, on prend juste un cas concret. Quelqu'un va rentrer dans une mosquée. Oh, elle est belle la mosquée, masha'Allah. C'est vrai, on prend un cas concret. Elle est belle la mosquée. Oh, mais c'est, voilà, pour lui c'est simple. Mais il sait pas qu'il y a eu du sacrifice. Il y a eu des gens qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur santé, qui ont donné de leur argent pour arriver à ce fruit-là, à ce résultat-là. Et c'est ça notre problème à nous les musulmans. On aime regarder que le résultat. Et on veut avoir que le résultat. On veut que tout soit servi sur un plateau. On oublie que quand on voit un résultat positif, quand on voit quelque chose de concret, il y a eu beaucoup de travail avant. Il n'y a pas de secret. C'est obligatoire ça. Tu crois qu'une mosquée ça se fait du jour au lendemain? Tu crois que quand tu rentres dans une ville et que tu vois walillahil hamd, que la plupart des sœurs appliquent la religion et que la plupart des frères appliquent la religion, c'est venu en claquant des doigts? Et des frères ne se posent pas à fond la question en se disant, mais est-ce qu'il y a eu un travail avant? Au moins pose-toi la question. Alors que normalement, il n'y a même pas la question à se poser. Si tu vois ça, c'est qu'il y a eu obligatoirement un travail avant. Les sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum, ainsi que le prophète, alayhi salatu wasalam, ont souffert, ont sacrifié de leur temps, de leur argent, de leur santé pour que nous, on soit là. Pour que nous, au jour d'aujourd'hui, on soit là. Ça pour nous rappeler que si tu veux qu'il y ait quelque chose de concret et qu'il y ait un grand bénéfice pour la religion de l'islam au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens encore qui sacrifient de leur temps, de leur argent, de leur santé pour que ce travail, walillahil hamd, qui a été apporté par les meilleurs des créatures après les prophètes et les envoyés, c'est-à-dire les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, continue. Et c'est ça, subhanallah, on voit, alhamdulillah, qu'à chaque époque, et à leur tête, je dis bien, al-ulama, les gens de science, à chaque époque, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala apporte des gens de science qui sont la cause, ici, de la revivification de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et qui sont la cause de la guider par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de peut-être millions de personnes. Pourquoi? Ces personnes-là, ils sacrifient de leur temps, ils sacrifient de leur santé, ils sacrifient de leur argent, et c'est pour ça qu'on doit être quoi? Reconnaissant envers les savants. Sachez qu'il y a des gens, ayyuhal ikhwatul kiram, qui sacrifient, et nous, on se doit de sacrifier un minimum, chacun selon son degré. Mais tous, on se doit tous de sacrifier un minimum, si on se dit de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et la voie et le chemin des compagnons. Comme قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين منهم parmi eux Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enjoint de s'accrocher, de suivre la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, ainsi que la voie, le chemin des compagnons رضي الله عنهم وارضاهم. Et c'est pour ça qu'on se doit de revenir à al-kitab wa sunnah bi fahm al-salaf al-umma, au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salam, avec la compréhension de qui? Des ancêtres pieux, ayyuhal ikhwatul kiram. Et là, on est là pour satisfaire qui? Allah. On est là pour satisfaire Allah, c'est pas les gens. Je suis tel groupe et ici, je garde les mêmes principes qu'ont tel groupe par crainte qu'on mette en garde contre moi. Nous, on est là pour satisfaire Allah, c'est pas les gens. Et on n'est pas là ici pour avoir le maximum de personnes qui nous suivent. On est là pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Vaut mieux que tu sois la cause d'une personne qui est guidée dans la religion et tu l'as fait de façon sincère, que ici tu veuilles satisfaire les gens ou que tu le fais avec une mauvaise intention et que tu sois la cause qu'il y en a 100 ou 500 ou 1000 qui rentrent dans la religion. C'est quoi qui va t'intéresser au jour de la résurrection, toi, ya Abdallah? C'est ton propre cas, c'est pas le cas des gens. Et c'est pour ça qu'il nous doit, et on se doit de se reposer la question jour et nuit. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que vraiment, ici, on se pose la question, si vraiment je suis sincère, si vraiment il y a beaucoup de persécutions, est-ce que, à ton avis, tu te poses à toi la question, à ton avis, à Mohammed, est-ce que tu vas réussir à t'accrocher à la religion comme il se doit si vraiment t'es persécuté? Est-ce que vraiment t'aimes Allah et son messager? Ou est-ce que c'est simplement un phénomène de mode? Au moins, on se pose la question. Et wallahi l'adim, je parle particulièrement des jeunes d'Europe. Qui ont besoin de se reposer la question. Et c'est pour ça qu'on entend des monsebas. Des jeunes qui au début, mashallah, font la religion. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils parlent, oui, Cheikh l'Albani a dit, Cheikh l'Uthaymin, et ils passent la journée, mise en garde, ceci, cela. Tu reviens à 7 ans, il est où? Allah al-Musta'an. On a connu des cas. Il est dans un bar, il a rasé sa barbe, il a tout laissé. Il a voulu aller trop vite. Et il a suivi, ici, cette religion, pas dans l'intérêt principal. Ici, dans le but principal de suivre le meilleur des exemples. Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais malheureusement, je parle pas pour tout le monde encore une fois, mais pour certains, pour suivre le mouvement. C'est pas suivre la sunna, suivre le mouvement. Un phénomène de mode, wal'iyadu billah. Wallahi al-adim, un phénomène de mode. Et ça, c'est catastrophique à notre époque, ayyuhal ikhwatul karam. Mais ça fait peur. Ça fait peur quand on revient à la biographie du prophète alayhi salatu wa salam. Et qu'on voit les paroles de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui nous dit que ici, l'hypocrisie était plus apparente et plus présente. À l'époque où, dans la période médinoise, que mécoise, pourquoi à cause des persécutions? Ici, ça nous renvoie à cette question. Est-ce que je suis sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je suis sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala quant à mes actes d'adoration? Le prophète alayhi salam, il a été persécuté. As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont été persécutés, ayyuhal ikhwatul kiram. Et ainsi, on a la parole du prophète alayhi salatu wa salam qui dit, j'ai été intimidé pour Allah subhanahu wa ta'ala comme personne ne l'a été. J'ai été intimidé pour Allah comme personne ne l'a été. Et il dit, j'ai subi des préjudices pour Allah. Des préjudices pour Allah comme personne ne l'a été. Ça, c'est la meilleure des créatures. La meilleure des créatures. Et c'est pour ça que j'en reviens. On ne demande pas les épreuves. Mais quand ils viennent, il faut patienter. Wallahi, quand ils viennent, il faut patienter. Mais on ne demande pas les épreuves. Mais c'est un bien, les épreuves. Moi, je vous le dis, wallahi, c'est un bien. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, ce grand ascète, il disait quoi? Ce que je crains le plus dans les épreuves, comme je vous le dis souvent, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala me scandalise. C'est qu'Allah me fdah. Fudayl ibn Iyad. Il savait que, à travers les épreuves, Allah azza wa jal, il fait ce qu'on appelle at-tamyiz, la distinction entre le véridique et le menteur. Et il dit, je crains qu'à travers les épreuves, Allah me scandalise. Ça, c'est Fudayl ibn Iyad qui se posait la question. Nous, comment on va pas se poser la question? C'est pour ça que je vous dis, la moindre des choses qu'on se pose la question. Est-ce que je suis sincère? Ça fait du bien. C'est juste ça simplement. Wallah. Ça se fait du bien. Tu te poses la question. Et ça, c'est une des preuves de ta sincérité. Ceux qui ont le wissoua, je suis sincère ou pas. Si tu te poses des questions comme ça, dans le khalwa, dans l'intimité entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu poses ces questions, c'est que tu as un minimum de sincérité. Sinon, si tu serais pas sincère, pourquoi tu poserais ces questions? Tu voudrais simplement plaire aux gens. Mais là, tu te poses la question à toi-même. Est-ce que tu es sincère? Si demain j'ai une épreuve, est-ce que je vais, à mon avis, à ton avis, à Mohammed, est-ce que tu vas tenir et t'accrocher dans la religion? Ou c'est simplement parce que tout va bien, tout est tranquille, etc. Et ça, alhamdoulilah, c'est pour ça que je vous dis, c'est un bien les épreuves. C'est un bien pour qu'on sache où on en est par rapport à notre implication religieuse. Où on en est par rapport à notre implication religieuse. Quand on voit des épreuves qui nous touchent, une petite épreuve qui touche dans notre matériel, quelquefois on délaisse la religion. C'est vrai ou pas? On a la baisse de foi, comme je l'avais dit la semaine dernière. On commence à laisser la lecture du Coran. On commence à délaisser les pratiques religieuses. Ça, c'est qu'on est loin encore, ayyuhal ikhwatul karam, de l'haq. On est loin de la vérité. Allah Azza wa Jalla dit quoi? La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalik fa ulaika humu khasirun. Allah Azza wa Jalla parle de quoi? Des biens et des enfants. Que ni vos biens, ni vos enfants ne vous détourne de quoi? Du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, des cours, de la science religieuse, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'application religieuse, que ni vos enfants et ni vos biens ne vous détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Voilà, ayyuhal ikhwatu al-kiram, la preuve qu'il n'y a rien qui doit te détourner du rappel d'Allah et de ton application religieuse. Ni tes enfants. Ni ton épouse, ni tes biens, ni ton argent, ni tes problèmes personnels. Ta religion, c'est ta religion. Ta religion, c'est ta religion. Et le principal, c'est que tu ne sois pas éprouvé dans quoi? Dans ta religion. Amma dunya, ça part, tu vas mourir, tu vas tout laisser. Tandis que si tu es prouvé dans ta religion, ça c'est autre chose. Ça c'est le gros problème, ayyuhal ikhwatul karam. Et c'est ce qu'ont pas compris beaucoup de gens. Normalement, si tu as compris cette religion, wallahi wa rabbil ka'ba, tu t'investis dans la religion. Dans adda'watu ilallahi azza wa jal. Que même si tu as des problèmes chez toi, que même si tu as des problèmes avec tes enfants, que même si tu as des problèmes d'argent, ça te détourne pas du rappel d'Allah, tu restes ferme. Al-thabat. Tu restes ferme dans ton implication religieuse. Amma, si tu commences à déjà flancher, que parce que tu as un problème concernant dunya, que dire si tu étais persécuté ou emprisonné ou torturé? Donc simplement, je veux en revenir ici. C'est que les compagnons étaient torturés physiquement. C'est pas simplement moralement, physiquement aussi. Et c'est pas n'importe quelle torture comme on va le voir ici. Et malgré ça, ils se sont accrochés à la religion. Où on est par rapport aux compagnons? Où on est par rapport à salaf? Pour vous faire comprendre que le mot salafi, c'est pas simplement un mot qu'on dit avec la bouche. Comme certains jeunes au jour d'aujourd'hui, surtout en Europe. Je suis salafi. Et t'es obligé de dire que t'es salafi. Qu'est-ce que tu fais pour être salafi? Ou pour suivre un salaf? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as ici d'identique à eux, ce qu'ils font eux? Subhanallah. Jamais le qiyam li. Tu le vois très peu à la mosquée pour salat al-subh. Salat al-duha, Allahu a'lam s'il l'a déjà fait dans sa vie. Quant aux applications religieuses, Allahu a'lam comment il fait ses actes d'adoration. Est-ce que vraiment ici, il passe sa journée à invoquer et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou à critiquer? Allahu a'lam. Il est très loin de la voie des salaf. Et dès qu'il a une petite épreuve concernant les choses mondaines de la vie d'ici-bas, il flanche et il laisse tout. Et ensuite dit, moi je suis salafi, mon frère, et lui c'est un mubtadi'. Allah, ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala kulli hal, on avait vu aussi que la ruse des ruseurs la semaine dernière retourne contre le ruseur. Et c'est bien pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ils veulent, dans surat al-Tawba, ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelques répulsions qu'en aient les mécréants. قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Comme Allah azza wa jal dit dans le Coran al-Karim, et dit, la vérité est venue, et le faux, avec traduction rapprochée, s'en est allé. Inna al-batila kana zahuqa. Le faux est voué à disparaître, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Al-haq, ça reste. Mais le faux, c'est voué à disparaître. Et quand toi, tu es sur le chemin de la vérité, même s'il y a des gens qui veulent ruser contre toi, wallahi al-azim, sache qu'ils essayent de ruser contre, pas contre toi simplement, mais contre Allah et son messager. Et ça retourne automatiquement contre eux, cette ruse-là, wal-iyadu billah. Et on a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a été touché dans son moral aussi. Et ici, on a un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam tomba malade et resta couché durant 2 nuits ou 3. Donc ils essayaient à chaque fois de le toucher dans son moral. Il est resté couché pendant 2 nuits ou 3 nuits. Il est tombé malade. Puis une femme se présenta et lui dit, « Oh Mohammed, peut-être que ton démon... » Elle parlait de qui? Jibril alayhi salam. « Peut-être que ton démon t'a-t-il délaissé ?» Car il ne t'a pas visité depuis 2 ou 3 nuits. Peu après, Allah Azza wa Jal révéla, وَالضُّحَا وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. Allah Azza wa Jal a dit, et par le jour montant, Allah il jure, par le jour montant, et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, la femme en question était Jamil, et ici c'était bien sûr la femme de Abu Lahab. Et ils se sont attaqués ensuite à qui aussi? Pas simplement au prophète alayhi salatu wa sallam, mais aux compagnons en sahaba radiyallahu anhu wa ardahum. Ibn Kathir rapporte dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était en train de prêcher Quraysh. Un jour, Abu Bakr était en train de prêcher Quraysh. Et ils se sont mis tous à le frapper et à jeter toutes sortes de choses sur lui, ainsi que des sandales, jusqu'à ce qu'il soit couvert de sang. Tout son visage était couvert de sang, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus Abu Bakr. Pourquoi? Car il a appelé ouvertement et il a été persécuté. Et ce ne sont pas arrêtés là, sahaba. Et il raconte ce récit Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya. Et parmi eux, il y avait Utba ibn Rabi'a, avec un groupe qui l'accompagnait. Donc, ils ont commencé à jeter toutes sortes de choses sur Abu Bakr, jusqu'à couvrir son visage de sang. Ça, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu arda. Est-ce que nous, on a déjà eu le visage couvert de sang? Parce que nous, quelquefois, on lit les récits, on croit que c'est... Oh, bah, masha'Allah. Radiallahu anhum. Mais toi, qu'est-ce que tu as qaddam pour la religion? Et nous, on ne nous a pas dit, alhamdoulilah, d'arriver à ce stade-là, de mourir, ou alors de sortir de chez nous, et de, on va te frapper, on va te jeter des pierres dans le visage si tu dis, mon frère, viens à la mosquée. Non, rien de ça. Et malgré ça, tu vois les gens, frère, combien de fois t'as fait de da'wah dans ta vie, ou dis à un frère, viens à la mosquée, ça serait bien. Wallah, je crois jamais à khoya. Peut-être une fois ou deux fois, mais j'ai honte. Où on est par rapport aux compagnons? Wallah, on est très loin. Et sahaba, ils pleuraient, yuwal ikhwatul kiram. Quand ils entendaient les paroles d'Allah et du messager, ils craignaient l'enfer. Ils craignaient d'être parmi les gens de l'enfer. Ça, c'est les compagnons qui ont été persécutés, qui ont souffert. Radiyallahu anhum wa ardahum. Allah Azza wa Jal, il parle d'eux, ayyuhal ikhwatul kiram. C'est des gens qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, ayyuhal ikhwatul kiram, ils se disaient, est-ce qu'un jour, on sera au paradis? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'on a présenté? Qu'est-ce qu'on a préparé? Ici, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avec ça, Allah al-Musta'an, la plupart croivent qu'ils sont au paradis et que tous les autres autour d'eux sont en enfer. Rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh l'Albani dans Sahih As-Sir al-Nabawiyya. Ici, l'imam Ahmed rapporte cette parole de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui dit, les premiers à avoir proclamé l'islam sont sept. Les premiers à avoir proclamé à point l'islam sont sept. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que Abu Bakr, radiyallahu anhu, ainsi que Ammar ibn Yasir, ainsi que la mère de Ammar, c'est-à-dire Soumaïa, qui est la première martyre de l'islam, une femme, ainsi que Bilal ibn Rabah, ainsi que Suhaïb, et ainsi que Al-Miqdad. Sept personnes, les premières personnes à avoir proclamé ouvertement l'islam, ayyuhal ikhwatul kiram. Les hommes, min al-mu'minina rijal, c'est eux les hommes, ayyuhal ahbab. Parmi les croyants, il y aura des hommes, où il y a des hommes. Parmi eux, as-sahaba, ayyuhal ikhwatul kiram. Ensuite, il dit, je poursuis le hadith authentifié par Cheikh l'Albani, rahimahullah wa ta'ala, il dit, quant au prophète, il était protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il était protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci par la cause de qui? De son oncle. Ici, il a reçu cette protection par Allah subhanahu wa ta'ala, et la cause a été aussi son oncle, Abu Talib. Quant à Abu Bakr, il jouissait d'une protection due à quoi? Dû à cette notoriété qu'il avait par rapport à sa tribu et son peuple. Et il dit concernant les autres, à part le prophète et Abu Bakr, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont été habillés d'une sorte de blindage en fer, et on les a exposés au soleil, et le fer fondé sur leur peau. Et tous ont accepté de dire ce que les kuffars voulaient, sauf Bilal, qui répétait « Ahadun Ahad ». Ahadun Ahad, alors qu'il était noué par une corde et fut donné aux gamins pour jouer dans les rues de la Mecque. Voilà ce qu'on subit as-sahaba ayyuhal ikhwatul kiram. Alors que Bilal était le seul à quoi? À ne pas vouloir dire avec sa bouche ce qu'il n'y avait pas dans son cœur, bien sûr, parce que les autres compagnons, quand ils ont accepté de dire ce qui plaisait aux non-musulmans, ce n'était pas avec leur cœur, c'était avec leur bouche. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal parle de ces personnes-là, et parle particulièrement de Ammar. De Ammar qui est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam, après qu'il ait dit avec sa bouche devant les kuffars, tellement qu'il était torturé, une chose que son cœur n'acceptait pas. Et Allah Azza wa Jal a révélé le verset coranique dans sourate An-Nahl, quiconque a renié Allah après avoir cru. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité afin de la foi, dans surat An-Nahl. Et ça, c'est concernant Ammar et aussi as-sahaba radiyallahu anhu warda. Et ça, yani, c'est une ayah pour toute personne qui est contrainte, forcée ici de renier la foi, ici avec sa bouche. Et ici dans un hadith, il est rapporté que le prophète a dit, et si tu dois le refaire, refais-le. Après que le prophète ait demandé à Ammar, est-ce que ton cœur acceptait ce que ta langue a dit, ou comment était ton cœur? Et donc, Ammar, après lui avoir montré au prophète et expliqué au prophète A.S. que son cœur détestait ce qu'il a dit, mais il le disait simplement avec la bouche, mais c'était pas avec le cœur. Le prophète, il lui a dit, si tu dois le refaire, refais-le. Si tu dois le refaire, refais-le. Sauf Bilal. Bilal, il n'a pas renié, même avec sa bouche, ici sa foi et sa conviction religieuse. Et il a été énormément, énormément torturé. Et ça nous rappelle que toute parole de mécréance ne font pas de toi automatiquement un mécréant. Et tout acte de mécréance ne fait pas de toi automatiquement un mécréant. Ça, c'est un rappel pour ceux qui taxent un peu tout le monde et rapidement de mécréants ou d'innovateurs ou de je ne sais quoi, alors qu'ils ne savent pas vraiment pour quelle raison cette personne a fait cet acte de mécréance, ou a dit cette parole de mécréance, ou a fait cet acte d'innovation, etc. Jabir, radiyallahu anhu wa arda, rapporte dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que le prophète, alayhi salatu wasalam, est passé devant Ammar, radiyallahu anhu wa arda, ainsi que sa famille. Donc il y avait Ammar et la famille, le prophète, alayhi salatu wasalam, est passé devant eux. Alors qu'ils se faisaient torturer. Le prophète, il les voyait, ils se faisaient torturer. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, leur disait, courage. Il leur disait quoi? Courage. Courage et bonne nouvelle à vous, ô famille de Ammar. Ô famille de Ammar, courage et bonne nouvelle à vous. Votre lieu de rendez-vous sera le paradis. Devant le prophète, alayhi salam, Ammar, avec sa mère, avec sa famille, en train de se faire torturer. Jusqu'à ce que sa mère, Soumeya, radiyallahu anha warda, elle s'est fait tuer ici devant son fils. Et elle a été la première femme martyre de l'islam, ayyuhal ikhwatul kiram. Ce n'était pas n'importe quelle torture. Ça, ce n'était pas la même, n'importe quelle torture. Sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal veut qu'il y ait des gens qui soient torturés. Il veut qu'il y ait des gens qui meurent martyrs. Il veut qu'il y ait des gens qui soient persécutés. Sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Quand on voit les compagnons qui ont été comme ça, on se dit, on est où nous? Et où on va être après la mort, après le gargara, après le sakarat, après le korobah? Alors que quelle épreuve vraiment on a, franchement? C'est quoi les épreuves? Quand tu reviens à la biographie du prophète, tu te rends compte qu'en fait, c'est rien les épreuves que tu as. On ne demande pas les épreuves. On ne demande pas les épreuves. Lakin, ici, on voit qu'on a des petites épreuves par rapport à ces grands hommes. Quant à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, il est rapporté aussi par Al-Siyar, ici, qu'un jour, ils s'étaient réunis et ils avaient proposé qu'une personne aille réciter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement. Ouvertement. Regardez les hommes, c'était des hommes à l'époque, ils étaient qu'un petit groupe, mais c'était des hommes. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a insisté, il a dit, moi ya Rasulallah, moi je veux aller devant tout le monde et je récite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, écoute, toi ya Abdullah, toi par rapport à yani, la famille que tu as, la tribu yani, qui t'entoure, yani, tu viens d'une certaine tribu, pour lui faire comprendre que il n'aura pas beaucoup de soutien. Parce qu'il y avait parmi eux, comme Abu Bakr et autres, il y en a qui avaient du soutien dû à leur tribu, à leur descendance, etc. Donc ici, il lui rappelle en disant, toi, tu n'auras pas beaucoup de soutien. Tu risquerais, il y en a, d'être persécuté rapidement et autres. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, c'est Allah qui me protégera. Il a insisté. Les hommes. Min al-mu'minina, rijal. Maintenant, il y a des gens au jour d'aujourd'hui, il vient, il fait juste une petite action. Par exemple, je sais pas, il va, machallah, porter un sac, ici, pendant 50 mètres, un sac de ciment pour aider à construire une mosquée. Tu lui parles, il va dire, min al-mu'minina rijal, akhoya. C'est quoi pour un homme? Allah al-musta'an. C'était eux les hommes, c'est pas nous, ayyou al-akhwat al-kiram. Mais non, c'est pas nous. Il y en a des hommes, alhamdoulilah. Lakin, c'était vraiment eux les hommes, ayyou al-ahbab. Il est parti, Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il est parti. Et bien sûr, vous connaissez la suite. Il s'est fait frapper. Et son visage était couvert de sang. Et yani, ils se sont acharnés sur lui, ayyou al-akhwat al-kiram. Et Abdullah ibn Mas'ud, il est rapporté dans ce récit aussi que, alors que, il allait commencer à se faire frapper et réciter surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan ila akhir al-ayat. Et réciter surat Ar-Rahman, radiyallahu anhu arda. Khabbab ibn al-Arat. Qui c'est Khabbab ibn al-Arat? Ce grand compagnon, vous connaissez sûrement ce récit qui est connu. Et ça nous rappelle, ici, ou ça répond plutôt à certaines personnes qui disent, mais pourquoi, yani, dès qu'il voit quelqu'un qui est opprimé un peu dans le monde, yani, il se laisse emporter par quoi? Par ses passions. Par ses passions, ayyuhal ikhwatul kiram. Et il se dit, mais pourquoi les gens ne bougent pas? Pourquoi il y a certains savants qui ne parlent pas? Quand ils voient les tortures qui se passent dans le monde entier. Il faut savoir que quelquefois, ayyuhal ikhwatul kiram, le fait de patienter est demandé en islam. Le fait de ne pas s'exciter, de ne pas s'emporter par la colère, c'est demandé en islam. Même si en face de toi, il y a des gens torturés. Na'am. Ça existait depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Allah azza wa jal veut, et il faut qu'on comprenne ça, c'est dur à l'accepter, quelquefois, quand ça nous touche, nous directement dans nos familles et autres, lakin Allah il veut, sunnatullah ayyuhal ikhwatul karam, qu'il y ait des croyants qui se fassent torturer. Il veut qu'il y ait des martyrs. وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاء. Et Allah, il prendra ou il choisira parmi vous des martyrs. C'est pas donné à tout le monde. Il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Khabbab ibn al-Arat. Il est rapporté dans le récit rapporté par le Bukhari. Il est relaté dans le récit rapporté par le Bukhari. Khabbab raconte ce qui suit. Il dit, nous nous sommes plaints au prophète, alayhi salatu wassalam. Et eux, il y avait de quoi se plaindre ou pas? Pas les tortures qu'on a aujourd'hui. Il y avait de quoi se plaindre à l'époque. Regardez les persécutions qu'ils ont reçues. Ils ont été se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Et alors que le prophète était accoudé à l'ombre de la Kaaba, nous lui dîmes, Ya Rasulallah, n'implores-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire triompher de nos persécuteurs? Ne le prives-tu pas pour nous? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, auparavant, écoutez bien, il dit, auparavant, on prenait l'homme, on lui creusait une fosse, on l'y mettait, puis au moyen d'une scie placée au-dessus de la tête, on le coupait en deux. On le coupait en deux. Maintenant, quand on lit ça, on dit, mais c'est inimaginable. Regardez la réponse du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour lui rappeler, patiente, il y a eu pire que toi. Il y a eu pire que toi. On plaçait une scie au-dessus de sa tête, on lui coupait en deux. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari, il dit quoi? Avec des peignes en fer, on lui arrachait la chair à même les os. La chair à même les os. Tout cela ne lui faisait pas renier sa foi. Allah, ensuite le prophète dit, Allah, j'en fais le serment, assurera la victoire de cette cause. Et il viendra un temps où tout cavalier pourra se déplacer de San'a à Hadramaut, sans rien craindre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et les loups pour ses troupeaux. Mais vous êtes, lakinnakum tasta'jiloun. Mais vous êtes trop impatients. Donc le prophète alayhi salam, regardez, hikmah, la hikmah qu'il avait le prophète alayhi salam, il lui rappelle qu'il y avait des gens pires que eux. Il y avait des gens pires que vous qui étaient persécutés, pires. Et il lui rappelle que le secours viendra. Le secours va venir. Donc patientez. Il dit, lakinnakum tasta'jiloun, mais vous êtes trop impatients. Et c'est ce qui nous arrive nous aujourd'hui, ne serait-ce que dans des petites épreuves, concernant, comme je le dis, je le répète, parce que je parle concernant la réalité des choses et ce qui nous touche de façon générale, nous, simplement les petites épreuves concernant des choses mondaines, on baisse les bras et on s'impatiente. Lakinnakum tasta'jiloun. Le prophète dit ça à Khabbab ibn al-Aratz, aux compagnons qui étaient persécutés physiquement, et nous on n'a pas honte de dire ça, de baisser les bras et de s'impatienter en disant, mais moi ça fait des années, j'ai toujours cette épreuve, c'est quoi ton épreuve mon frère? Ah khoya, c'est quoi mon épreuve? Ah, je touche que 1200 euros, mon frère touche 1500 euros. Croyez pas que ça c'est de la rigolade, il y en a beaucoup des cas comme ça. Et après on dit, oui mais nous on est des hommes, nous on va secourir l'islam, nous on va soutenir l'islam, nous on est dans le haq et on parle jour et nuit. On est loin de la vérité. Si on pense comme ça du moins, si on pense comme ça, sachez qu'on est très loin de la vérité. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran al-Karim, nous rappelle dans le Coran al-Karim que sil'atullah ghaliya, que la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala est très chère. Et elle ne s'achète ni avec de l'argent, elle ne s'achète ni avec de l'or, elle ne s'achète ni avec du matériel. Mais elle s'achète avec quoi, yu al-ikhwatul kiram? Avec la patience, avec les bonnes actions, avec la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la marchandise d'Allah? Al-jannah. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Et Allah est plus loin, il parle de ces passions là وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah عز وجل nous rappelle, أيها الإخوة الكرام, que ce chemin, tariqatu da'wa, le chemin de da'watu ilallahi tabaraka wa ta'ala, et le chemin, yu al-ikhwatu al-kiram, le chemin qu'on a pris ici en vue de satisfaire notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et de gagner le paradis, il n'est pas facile. Et que le paradis n'est pas donné à tout le monde. Et que le paradis est très cher et ne s'achète ni avec de l'argent ni avec du matériel, mais il s'achète avec la patience, avec les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, pensez-vous entrer au paradis? Pensez-vous entrer au paradis? C'est comme si Allah disait, comme disent les savants, vous n'entrerez pas au paradis si vous pensez le contraire. Pensez-vous entrer au paradis, ou si vous pensez cela plutôt, Afwan. Pensez-vous entrer au paradis? Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous. Quelles épreuves, ya Allah? مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الله عز وجل dit quoi? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués, ayyuha al-ikhwatu al-kiram. Regardez les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise. وزلزلوا. Ils furent secoués. La misère, la maladie, ils furent secoués. Est-ce que tu as été touché de misère vraiment? De grosses maladies? Jusqu'à ce que tu aies été secoué. Allah al-musta'an. Jusqu'à ce qu'ils furent secoués. Et jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, as-sahaba radiyallahu anhum, se fussent écriés, mata nasrullah, quand viendra le secours d'Allah? Ala inna nasrullah iqarib. Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Et Allah plus loin dit, wa bashir as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux patients. Alladhina idha asabatuhum musiba. Ceux à qui quand il leur arrive un malheur, qalu, ils disent quoi? Oh mes biens, oh mon argent, oh pourquoi toujours moi? Abadan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. Annonce-leur la bonne nouvelle à qui? À ses patients, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ça c'est qui le dit? Kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux récits prophétiques, ils en sont nombreux. Le prophète alayhi salatu wa salam, rapporté par l'imam muslim, il dit quoi? As-sabr, as-sabr nur. La patience est une lumière. Le prophète il dit, la patience c'est une lumière. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans Sahih al-Bukhari, il dit quoi? Celui qui veut être chaste, Allah Azza wa Jal l'aidera. Celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres. Regardez les paroles lourdes et les paroles riches en instruction et en exhortation venant de la parole du prophète alayhi salatu wa salam il y a 14 siècles. Il dit quoi dans Sahih al-Bukhari? Et il dit le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Allah l'enrichira. MashaAllah. Tu ne cherches pas à avoir ce qu'ont les autres. Tu ne cherches pas à avoir toujours le soutien et l'aide et compter sur les gens. Mais tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, celui qui cherche à se passer de ce que possèdent les autres, Allah azza wa jal l'enrichira. C'est le prophète alayhi salam qui le dit. Et celui qui veut être patient, Allah viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond ou meilleur que la patience. Le prophète dit, aucun n'a eu un don meilleur que quoi? As-sabr. Que la patience. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans Sahih Muslim, que c'est merveilleux, ou que c'est étonnant. Traduction rapprochée. Tout ce qui arrive au croyant lui est favorable. Aucun autre n'a ce privilège. Rapporté par Muslim. S'il est heureux, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Quand le croyant il est heureux, il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui. Il dit, et quand il est malheureux, il lui arrive une moncée, un malheur, quand il est malheureux, il se résigne, il patiente, et ceci est bénéfique pour lui. Donc toute chose qui atteint le croyant, c'est un bien pour lui. Il t'arrive un bien, tu remercies Allah, c'est un bien. Il t'arrive un mal, tu patientes, et c'est un bien pour toi. Et comment dire le contraire, alors que le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih al-Bukhari, quand Allah azza wa jal veut du bien, subhanallah, quand tu lis ces hadiths, à la fin tu dis quoi? Alhamdulillah, si on a des épreuves, alhamdulillah que je suis éprouvé. Allah Azza wa Jalla, le prophète Azza wa Jalla dit quoi? Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour toi, il va t'éprouver. Si tu as des épreuves, abshir. Alhamdulillah. Ça c'est un signe, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, peut-être, qui montre que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Donc c'est un bien pour toi. C'est pour ça que le croyant, il est toujours content. Il est toujours content quoi qu'il lui arrive. Bien plus que cela, un hadith très étonnant, Masha'Allah, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah et al-Darimi, l'imam al-Tahawi, Ibn Hibban, al-Hakim, l'imam Ahmad, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Sa'd, radiyallahu anhu wa arda, écoutez bien ce hadith, j'ai demandé au messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, quels sont les gens les plus éprouvés? C'est qui les gens les plus éprouvés, ya Rasulallah? Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à Sa'd? Il dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Les gens les plus éprouvés, ce sont Al-Anbiya, ce sont les prophètes. Puis ceux qui leur succèdent en degré. D'accord? Ensuite, l'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Donc plus tu as l'iman, plus tu as des épreuves. Donc on dit, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, plus tu as des épreuves, et tu t'accroches à cette religion fermement, sache que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne annonce. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, peut-être que ceci confirme que ta foi est haute. Donc c'est un bien pour toi, car c'est le prophète qui le dit. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, l'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur la terre lavé de toute faute. Jusqu'à ce qu'il marche sur la terre lavé de toute faute. Et c'est pour ça que les savants, yuwal ikhwatul kiram, ils disent que parmi les sagesses concernant les épreuves, il y a quoi? Quand quelqu'un est éprouvé, les savants ils disent quoi? En premier lieu, c'est pourquoi? Pour savoir s'il est véridique ou menteur. Ad-dalil, la preuve. Alif lam mim, ahasib an-nas ayutraku an yahsabu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. D'accord, première des choses, tu es éprouvé. Est-ce que tu es véridique ou menteur? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? Certes, on a éprouvé ceux qui les ont précédés afin qu'Allah connaisse, sache les véridiques des menteurs. Naam? Ça y est, tu es parmi les véridiques. Tu t'accroches, tu ne délaisses pas ta religion. Walillahi alhamd. Deuxième chose, tu es éprouvé, c'est pourquoi? Purification des péchés. Purification des péchés. Naam? Et ici, comme le prophète Alayhi Salam l'a dit dans un hadith al-sahih, il n'y a pas une fatigue, une tristesse, une maladie jusqu'à ce qu'une, un souci, une tristesse, jusqu'à ce qu'une épine vous pique, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous purifie de vos péchés. Donc on sait que ici c'est un moyen de purification. En deuxième stade ici, c'est quoi? C'est un moyen de purification. Donc tu es croyant, tu es véridique, alhamdoulilah. Tu t'accroches toujours à la religion bien qu'il y ait des épreuves. Sache que, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, c'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi car c'est une purification des péchés. Troisième des choses, quelqu'un va dire, oui, mais donc, le prophète, donc, il a été éprouvé. Donc, ça y est, on sait que le prophète était véridique. Donc, il a été éprouvé beaucoup parce qu'il avait beaucoup de péchés, alors. On répond quoi? Pour élever de degré la personne. Pour élever de degré la personne. Comment cela? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith al-sahih, le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur la terre lavé de toute faute. Il y aura des croyants, comme dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahoullah ta'ala, qui marcheront sur la terre sans aucun péché. Tellement qu'ils auront été véridiques, ils auront été pieux et ils auront été éprouvés, ils seront arrivés à un stade où ils auront atteint le degré de quoi? De marcher sur la terre sans aucun péché. Mais Allah ne cesse de les éprouver. Pourquoi? Dû à leur degré de foi, car comme on a mentionné dans le hadith, la personne est éprouvée selon son degré de foi. Plus tu as l'iman et plus tu es éprouvé. Mais tu n'as plus de péché, c'est pourquoi? C'est pour t'élever de degré. T'élever de degré comme le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a certes été éprouvé, comme on l'a mentionné en début du cours, comme personne ne l'a été. Comme le prophète alayhi salam a dit, j'ai certes été intimidé comme personne ne l'a été. Et j'ai certes reçu des préjudices comme personne n'a reçu de préjudices. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver le prophète alayhi salatu wassalam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que as-sahaba soit éprouvé, et comme les prophètes ont été éprouvés. Et ceci est une des causes qui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, fera qu'ils seront élevés en degré, incha'Allah ta'ala, dans le-delà et dans le paradis. Et ça, c'était simplement pour nous rappeler, ayyuhal ikhwatul kiram, les persécutions qu'ont subies as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et que cette religion n'est pas arrivée en claquant des doigts. Et que si au jour d'aujourd'hui, walillahi alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité d'appliquer cette religion ici dans cette tranquillité, dans cette sérénité, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité d'apprendre notre religion aussi facilement en ouvrant un livre réunissant 3000 ou 5000 ou 10000 hadiths, ça c'est simplement parce qu'il y a eu des causes. Il y a eu des compagnons qui ont sacrifié de leur vie, qui ont sacrifié de leur temps, qui ont sacrifié de leur argent, qui ont voyagé des mois et des mois pour réunir des hadiths, des ahadiths, etc. Il y a eu du sacrifice. Et si on veut que l'islam avance, il faut que nous aussi, on sacrifie. On ne dit pas de sacrifier comme on sacrifie à Sahaba, mais un minimum. Car on devra rendre des comptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, yu al-ikhwatul kiram, même sur le mode de vie qu'on a eu, sur le confort qu'on a eu ici-bas, yu al-ikhwatul kiram. Car Allah Azza wa Jal dit, on va vous éprouver par le mal et le bien, à titre de tentation. Car Allah Azza wa Jal t'éprouve par le mal, mais aussi par le bien. Et le confort, c'est un bien. Et ça, c'est une épreuve aussi. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم